J'ai jamais cru en ces histoires, en rêve un peu acquis pour rien. Le temps de s'en apercevoir, et on arrive à la fin. J'aurais voulu rester encore un peu pour t'aimer, mais le temps nous retient, pas vraiment. Je n'ai plus peur de le dire.